luttait pour des micros HF. Aujourd'hui les mics pleurent vu que les frères les maltraitent. Sans texte, sans concept, mais ils persistent. Longue est la liste des rappeurs hors piste. Ça parle de hurre, ça joue les durs. N'importe qui fait croire n'importe quoi tant que ça claque sur la mesure. La zone c'est dans le rap, comme le rap est né dans la rue. Les gosses se droguent au rap et les anciens n'en consomment plus. C'est une vraie génération de bâtards. Le mental se forge avant de connaître le star. C'est la compensation d'une relation à corps. Moi contre ton hip-hop, c'est une lutte à corps à corps. Ce n'est pas un jeu, la street ne joue pas. Quel que soit ton monde, avance pas à pas. L'expérience c'est d'être un homme et ce qui compte c'est d'être en vie. Je te parle pas de ceux qui comptent mais comptent toujours comme moi tes ennemis. Street, zon zon, avant de contrôler la street, contrôle déjà ta maison. Mélange pas street et musique, street, peut-être la sanction. Rap, street, zon zon, rap, street, zon zon, avant de contrôler la street, contrôle déjà ta maison. Mélange pas street et musique, street, peut-être la sanction. Rap, street, zon zon. J'évolue entre l'absurde et l'absolu. Show. Comme du bédo calé entre les seufs d'un détenu. Largué, les grandes gueules se sont tues. De balles dans le chargeur. Très peu de monde y a cru. Il n'y a pas que les langues qui sont pendues. Mon son les étrangle, les boîtes tremblent. C'est tendu. On ne nous met pas à l'amende. Même pas les lardus. Si tu rappes pas, quatre fois tu qu'il est devenu. L'égalité des chances, c'est l'inégalité des galères. Je fais pas partie de ceux qu'on gracie, mais de ceux qu'on incarcère. De ceux qu'on libère après des délibérations sans fin. Espère une improbable insertion un de ces jours prochains. Je les ai guettés en promenade, je les ai vus opérer. Ne t'amuse pas à mélanger répute et manque de respect. T'as dû me reconnaître si tu y étais. Les numbos n'ont pas besoin de jacter. Street, zon zon, avant de contrôler la street, contrôle déjà ta maison. Mélange pas street et musique, street, peut-être la sanction. Rap, street, zon zon. Rap, street, zon zon, avant de contrôler la street, contrôle déjà ta maison. Mélange pas street et musique, street, peut-être la sanction. Rap, street, zon zon. Et oh, c'est un gars qui a passé son adolescence en résoir, présent dans les ambiances, bien avant de Péra. Mineur, on y était déjà. Qui ne nous connaît pas, qui ignore que la technique reste au droit. Pas de Kaira, rien que des soldats, des renois. Au cas de chargé, on arrive chez toi. L'Occita nous a déposé, t'excite pas. Tu peux gratuitement te faire grosser. Au rap strictement arrosé. C'est sophistiqué, ces techniques. Outre l'aspect lyrics net, d'un côté brut, prête à l'expérience faite. Crédibilité 300%. On bouge qu'avec nos frères de sang et on sent pas les couilles, les aboiements. Tournez cette fois sa langue pour ne pas faire de boulettes. Gardons terre-terre, on a le terrier pour enterrer nos pépettes. C'est la même recette dans tous les quartiers. Rap, street, zon zon. Encore une fois, le droit à marier. Rap, street, zon zon. Avant de contrôler la street, contrôle déjà ta maison. Mélange pas street et musique, street, peut-être la sanction. Rap, street, zon zon.